Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma, un programme de jeûne et prière, ne ratez pas. Adresse 160 avenue Mutongo, quartier Mabanga, à côté de l'office des routes. Cordial, bienvenue. Est-ce qu'on peut encore dire Kumama Nkolo avec conviction? Et Kumama Nkolo. Nkolo Masia, Kumama Nkolo. Redisons-le encore avec conviction. Kumama Masia, Nkolo. Oh, Kumama Nkolo. Nkolo. Oh, ce soir, est-ce qu'on peut parler à Jésus encore ce soir pendant quelques minutes? Dites à Dieu, je veux que tu sois élevé dans ma vie. Dites à Dieu, je veux te donner la première place. Quand Dieu occupe la première place dans notre vie, il y a des choses qui changent. Mon Dieu, je prie que tu occupes la première place. J'ai seulement besoin de toi encore ce soir. Quand tu viens avec ton cabode, mon Dieu, avec le poids de Dieu, tu écrases mes chagrins, tu écrases mes défis. J'ai besoin que les défis de ma vie racontent le poids de Dieu, racontent le cabode de Dieu. Prends la première place, Seigneur. Et ce soir et toute la semaine, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour chercher ta face. Notre Dieu est notre roi. Tu n'abandonnes pas ce qui s'est confié à toi. Oh Dieu, sois au rendez-vous, Seigneur. Raconte un cœur ce soir. Raconte les défis d'un homme, d'une femme. Nous ne voulons pas sortir de ces lieux tels que nous y sommes entrés. Oh Dieu, les hommes et les femmes qui t'ont raconté réellement, leur vie a changé, mon Dieu. Et les hommes et les femmes qui t'ont cherché de tout leur cœur, tu t'es laissé trouver, mon Dieu. Oh Seigneur, nous nous recommandons à toi encore ce soir, comme des hommes et des femmes assoiffés de toi. Nous sommes assoiffés de toi. Apporte un renouveau dans notre vie. Apporte un renouveau dans notre vie. Nous ne voulons plus rester les mêmes personnes. Oh Dieu! Alléluia! Ah, combien nous avons soif de toi. Alléluia. Le pilier qui soutient ma vie. Oh, Jésus, oh, oh, ma vie. Précieux Jésus qui soutient. Oh, oh, Jésus, oh. Est-ce qu'on peut chanter avec conviction? Et nous disons à Jésus, tu es le pilier de ma vie. Oh, ma vie, oh, Jésus, oh, qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, oh. J'aimerais qu'on le chante encore une fois de plus, avec conviction, les souliers, les piliers qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient, le soutien de ma vie, c'est toi, Jésus. Oh, oh, qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie, oh, précieux Jésus. Nous allons acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus, le pilier qui soutient notre vie? On acclame bien le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le pilier de nos vies. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut s'accueillir mutuellement, disons, soyez les bienvenus. Je tunaweza kupokeana tukitakiana ukaribu ndani ya nyumba la Bwana. Alléluia. Amen. Qu'il fait beau dans la présence du Seigneur. Ni heri katika nyumba ya Bwana. Hier nous avons commencé notre semaine de prière. Jana tulianza wiki yetu ya maombi. Et je veux parler pendant quelques minutes et ensuite nous allons nous replonger dans la prière. Na ninataka kuzungumza kwa dakika kidogo na kisha tutarudi katika maombi. Parce que c'est l'essentiel. Kwa kuwa ni hiyo ndio ya muhimu. Et Jésus disait à son temps. Na Yesu alikuwa akisema na kanisa. Il disait que ma maison alisema nyumba yangu, la maison de mon père, nyumba ya baba yangu, doit être appelée une maison de prière. Itaitwa nyumba ya maombi. Alléluia. Amen. Nous voulons dire karibu à papa qui a été à Beni. Tunasema karibu kwa Est-ce baba yetu ambaye alikuwa notre kwa papa? Je, tunaweza kumpokea baba yetu? Amen. Amen. Ma maison sera appelée la maison de prière. Nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Et nous avons commencé de parler d'un sujet. Na tumeanza kuzungumzia mada. La prière clé de jaillissement divin. Maombi funguo ya kutiririka kwa kimungu. Nous avons montré que nous avons besoin de jaillissement divin. Tumezungumza ya kwamba tuna haja ya kutiririka ndani ya hali ya kimungu. Le jaillissement divin c'est un appel de Dieu pour que nous soyons utiles. Kwa kutiririka ya kimungu ni hiyo haja ambayo tunakuwa nayo ili tuwe watu wa muhimu. Le jaillissement divin c'est un équipement pour la mission. Kutiririka kwa Mungu ni hiyo ndio ambayo inatutia nguvu katika safari yetu na kazi ya Bwana. Le jaillissement divin c'est même une promesse. Kutiririka ya Mungu ni hiyo ambayo inakuwa ahadi yetu ndani ya maisha yetu. Il a dit je serai avec vous. Alisema nitakuwa pamoja nanyi. Je vous soutiendrai. Nitawasapoti. Ça veut dire c'est une promesse que Dieu a faite. Ni ahadi ambayo Mungu ametupatia. Que quelque chose de lui. Ya kwamba ni kitu ambacho kinakuwa ndani yake. Qui viendra de lui pour nous. Ambacho kitatoka kwake na kitakuja kwetu. Et qui nous permet d'être efficace. Na ile ambayo itatutia nguvu. Nous avons montré que la prière. Tumeonesha ya kwamba maombi. C'est le déclencheur de jaillissement divin. Ni ambayo ndio inatoa kutiririka wa kimungu ndani yetu. La prière c'est quand nous disons une clé. Wakati tunasema funguo. Une clé déclenche des situations. Funguo ni yale ambayo yanakuwa na matokeo une ya majambo fulani. Une clé ouvre une porte pour que vous accédiez funguo à une situation. Kwa mlango ambayo inakusaidia ili upate kufikia lengo fulani. Dans le royaume de Dieu. Na katika ufalme wa Mungu. Il y a des clés. Kuna kuwa ufunguo. Qui nous permettent d'accéder à certaines situations. Ambazo zinatuleta ili tuweze kufikia lengo fulani. Et quand vous ne savez pas utiliser la clé appropriée. Na wakati hautakuwa na uwezo wa kutumikisha funguo ambayo inastahili. Vous pouvez passer à côté des bénédictions de Dieu. Unaweza kupita umbali wa baraka za Mungu. Vous pouvez passer à côté des promesses de Dieu. Unaweza kupita umbali wa ahadi. Dans le royaume de Dieu, par exemple, la libéralité est une clé. Kutoa inakuwa ni funguo. Les offrandes, c'est une clé. Utoaji ni funguo. La Bible déclare, par exemple, Biblia inasema, celui qui amasse ou qui épargne à l'extrait s'appauvrit. Yule ambaye anajiwekea akiba anajifanya kuwa maskini. C'est-à-dire, tu veux tout garder pour toi-même. Ni kusema wewe unapenda vyote uvijiwekee. Tu veux que tout soit pour toi. Unapenda vyote viwe vyako. La Bible dit que tu t'appauvris. Biblia inasema wewe unajifanya kuwa maskini. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, ni kusema ndani ya ufalme wa Mungu, une des clés pour accéder à la richesse. Moja wa funguo ili upate utajiri. C'est aussi être capable de donner. Ni hiyo hali ambapo unaweza kukatoa. Et si tu n'as pas découvert cette clé? Na kama haukuelewa funguo hii? Tu peux passer tout autant dans le christianisme. Unaweza kuwa miaka mingi ndani ya Ukristo. Et il y a des choses auxquelles tu n'accéderas pas. Lakini kutakuwa vitu ambavyo hautavifikia. La Bible montre que des hommes et des femmes qui ont donné à l'extrême à Dieu. Biblia inaonesha ya kwamba wanaume na wanawake ambao walimupa Mungu kwa wingi. Dieu a aussi ouvert le robinet extrêmement. Mungu pia alifungua milango ya mbinguni kwa kadri. Parce qu'il y a une clé dans la Bible qui dit aussi. Kuna kuwa funguo nyingine katika Biblia. Il vous sera donné à la mesure selon laquelle vous donnez aussi. Donc découvrir les clés dans la marche chrétienne est fondamental. Il y a par exemple des gens qui ont donné le témoignage sur la dîme. Quelqu'un vous dira depuis que j'ai été fidèle dans ma dîme, j'ai vu mes affaires stabilisées. J'ai vu mes économies stabilisées. Ça veut dire que la dîme c'est une clé pour les enfants du royaume. Ya kwamba, moja ya kumi inakuwa ni funguo kwa watoto wa Mungu katika ufalme wa Mungu. Alléluia. Amen. Et Jésus disait je vous donnerai les clés du royaume. Na Yesu alikuwa akisema nitawapatia ufunguo wa mbinguni. Et quiconque a compris la clé. Na kila yoyote ambaye amegundua hiyo funguo. Quand il disait je vous donnerai les clés du royaume. Wakati amesema nitawapa funguo za ufalme. Je vous donnerai les mystères qui vous permettent d'accéder à certaines réalités. Nitawapatia siri ambazo zitawafikisha kulengo fulani. Pour une personne du dehors. Kwa mtu ambaye anakuwa nje. Quand on parle de la dîme, ça ne lui signifie rien. Wakati wanaposema moja ya kumi yeye haimaanishi. Quand on lui dit il faut jeûner, ça ne lui signifie rien. Wakati wanasema nakubidi ufunge haimaanishi. Jésus a dit à ses disciples. Yesu akaambia mitume wake. Cette sorte de démons. Hiyo mapepo fulani ne sortent pas seulement par la prière. Haziwezi kutoka tu juu ya maombi. Il faut ajouter les jeûnes. Inabidi kuongeza mafungo. Ça veut dire dans le royaume de Dieu. Ni kusema katika ufalme wa Mungu. Le jeûne c'est une clé. Mafungo inakuwa ni funguo. Alléluia. Amen. Et la jeune Esther. Na huyo binti Esther. Cette jeune fille. Huyo kijana Esther. Très belle de figure. Ambaye alikuwa mrembo kwa uso. Une beauté exceptionnelle. Ambaye alikuwa na urembo wa kikamilifu. C'est cela que la Bible dit d'Esther. Ni hivyo ndivyo Biblia inasema juu ya Esther. Elle savait que la beauté ne suffit pas pour séduire un homme. Alielewa ya kwamba urembo hautoshelee ili amvutie mwanaume. Même si elle a remplacé une autre femme qui était reine. Hata kama alikuja kumpindua mwanamke mwingine ambaye alikuwa malkia. Juif de son état. Myahudi wa hali yake. Elle savait que mon secret n'est pas mon apparence physique. Alielewa ya kwamba siri yangu haiko kutokelea kwangu. C'est comme cela que lorsqu'elle a appris qu'il y a une menace qui pesait sur Israël. Hapo alipogundua ya kwamba kuna tishio ambalo linakumba Israeli. Il a dit à son oncle. Alimwambia mjomba wake. Il va dire à mes frères et sœurs. Enda kuambia ndugu zangu na dada zangu. Entrez en jeûne. Waingie ndani ya mafungo. Portez des sacs. Wavikwe magunia. Et moi je vais aussi jeûner avec vous. Na mimi pia nitafunga pamoja nanyi. Voici une autre clé du royaume. Tazama funguo nyingine ya ufalme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les clés du royaume? Tunaweza kushangilia funguo za ufalme. Les hommes et les femmes. Wanaume na wanawake. Qui ont découvert les clés du royaume. Ambao waligundua funguo ya ufalme. Et qui les ont utilisées effectivement. Ambao waliutumikisha kwa ukweli. Ils ont ouvert des portes que l'intelligence humaine ne pouvait pas ouvrir. Walifungua milango ambazo akili ya kimwanadamu haingeliweza kufungua. Et donc quand nous parlons de la prière. Na wakati tunaposema juu ya maombi. C'est une clé dans le royaume de Dieu. Inakuwa ni funguo katika. Il est une chose d'apprendre des clés du royaume. Et une autre chose d'utiliser les clés du royaume. Il y a des chrétiens qui ne prient plus. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent plus. Il y a des chrétiens qui ne donnent plus. Et vous vous attendez à ce que Dieu agisse. Le royaume de Dieu est constitué de différentes chambres. Et pour que vous accédiez à une chambre quelconque, vous devez utiliser la clé appropriée. Comment imaginer un chrétien qui fait un mois sans même jeûner avec tous les défis que nous vivons actuellement dans le monde? Comment imaginer un pasteur, même je peux vous prêcher ici, mais moi-même je ne lis pas la Bible. Je lis seulement la Bible quand j'ai l'occasion de prêcher les autres. Lire la parole de Dieu est une clé dans le royaume de Dieu. Neno la Mungu inakuwa ni funguo moja katika ufalme wa Mungu. Parce que la parole de Dieu révèle Dieu lui-même. Kwa kuwa neno la Mungu linafunua Mungu yeye mwenyewe. Alors nous parlons de la prière comme une clé dans le royaume de Kwa Dieu. Kwa hivi tunazungumzia maombi kama vile ufunguo katika ufalme wa Mungu. Et nous avons montré qu'une vie sans la prière. Na tumeonesha ya kwamba maisha bila maombi. Une vie chrétienne sans la prière. Maisha ya Ukristo bila maombi. C'est une vie qui est déjà morte. Ni maisha ambayo imefariki. C'est une vie sans impact. Ni maisha ambayo haina ushawishi. C'est pourquoi vous pouvez trouver des églises mortes. Parce que la prière c'est une forme d'invitation de Dieu dans votre vie. Et quand la prière disparaît dans une vie, quand la prière disparaît dans une église, ça veut dire nous avons chassé Dieu. La prière ne doit pas être réduite à des demandes à Dieu. La prière ne doit pas être réduite à des supplications. Seigneur, donne-moi, nous sommes en difficulté. La prière c'est un rendez-vous avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire rendez-vous avec Dieu? Rendez-vous avec Dieu. La prière c'est un moment de dialogue avec Dieu. Un chrétien, une chrétienne normale. Si tu passes une semaine sans prier, alors la semaine c'est déjà catastrophique. kwamba wiki yako imepita bure. Un chrétien normal. Mkristo ambaye anakuwa ni wa kweli. S'il passe même une journée. Kama anapitisha siku moja. Sans que son esprit ait été emporté dans une attitude de prière. Bila roho yake kuwa katika hali ya maombi. Il doit sentir qu'il y a quelque chose qui me manque. Inamubidi aelewe ya kwamba kuna kitu ambacho nimepungukiwa. La prière n'est pas seulement venir vous mettre à genoux ici. Maombi haiko tu kuja kupiga magoti mahali hapa. La prière c'est un état d'esprit dans notre cœur. Maombi ni hali ya roho ambayo unapasha kuwa nayo. Où tu sens que tu as été connecté avec Dieu. Et donc l'absence de la prière a des conséquences graves. Et hier nous avons pris l'exemple de Salomon. Cet homme trop jeune qui a eu la grâce d'accéder au trône de son père. Et lorsqu'il accède au trône de son père, il constate qu'il me manque quelque chose. Akaelewa ya kwamba ninakosa kitu fulani. Il constate que malgré mon éducation, je ne peux pas diriger ce peuple. Akaelewa hata kujua kwangu mimi sina uwezo wa kuongoza taifa hili. Malgré mes habits royaux, ça ne suffit pas. Haijalishi mavazi yangu ya kifalme haitoshelei. Malgré le prestige du palais, ça ne suffit pas. Haijalishi hali yangu ya kuishi katika nyumba ya mfalme haitoshelei. Ce peuple a besoin de plus que les apparences. Lakini taifa hili lina haja ya iliyo juu ya yale yanayoonekana. C'est comme cela qu'il a commencé à chercher Dieu. Na ni hivyo akaanza kumtafuta Mungu. La Bible déclare, il est monté à Gabaon. Biblia nasema akaenda kwa mji wa Gabaon. Et il a offert à Dieu. Na huko akatoa sadaka. Et comme Dieu est toujours sensible à celui ou celle qui le cherche. Na kama vile Mungu anakuwa mara mingi akitazamia kwa yule ambaye anamtafuta. Dieu a été attentionné par cet homme qui le cherchait. Mungu akaguswa na huyo mtu ambaye alikuwa akimtafuta. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Natamani kumwambia mtu jioni ya leo. Un cœur qui cherche Dieu réellement. Roho ambaye anamtafuta Mungu kwa kweli. Il rencontre Dieu sur son chemin. Inamtana Mungu kwenye njia yake. Et je déclare que tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin. De la même façon qu'il a été sensible à Salomon, cette semaine ne s'achèvera pas sans que Dieu t'ait demandé, dis-moi ce que tu veux que je te donne. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu fidèle et le Dieu de l'exaucement? Oui, nous servons un Dieu qui exauce. Dieu t'a exaucé, je bénis Dieu ce soir. Ninakubariki maana unajibu jioni ya leo. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu qui exauce. Tunamtumikia Mungu ambaye anajibu maombi. Et Dieu pose la question à ce jeune homme. Na Mungu akamswali kijana huyu. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Omba ile ambayo natamani nikupatie. Et Salomon fait sa demande. Na Salomone akaomba. Nous avons montré que les jaillissements divins. Tulionesha ya kwamba kutiririka ya kimungu. Viennent pour des personnes qui reconnaissent leurs limites. Kuja kwa watu hao ambao wanajua mipaka yao. Les jaillissements divins. Hiyo kutiririka ya kimungu. Sont donnés par Dieu pour ceux qui les cherchent. Inapewa na Mungu kwa wale ambao wanamtafuta. Et Dieu réellement veut qu'on cherche les jaillissements divins. Na Mungu anatamani tutamanie kutiririka ya kimungu. Cet homme dit, j'ai besoin de l'intelligence et de la sagesse. Huyu mtu ana haja ya hekima na akili. Afin que je conduise ton peuple. Ili niweze kuliongoza taifa lako. Pour Salomon, c'est dont il avait besoin de la part de Dieu. Kwa Salomon yale ambayo alikuwa nayo na hitaji mbele ya Mungu. Il avait besoin d'une sagesse de Dieu. Alihitaji hekima ya Mungu. Ça veut signifier il y a une sagesse des hommes. Inamaanisha ya kwamba kuna hekima ya wanadamu. Il a besoin d'une intelligence de Dieu. Ana haja ya akili ya Mungu. Ça veut aussi autant signifier il y a l'intelligence des livres. Inamaanisha ya kwamba kuna ujuzi pia wa vitabu. Il y a de l'intelligence de l'école. Kuna ujuzi wa masomo. Mais Salomon avait besoin de l'intelligence de Dieu. Lakini Salomon alikuwa na hitaji akili ya Mungu. Il avait besoin d'une intelligence supérieure. Alitamani akili ya juu. Que Dieu te donne ce qui est supérieur. Mungu akupatie yale ambayo anakuwa juu. Que Dieu te donne ce qui est au-dessus de l'humain. Mungu akupatie yale ambayo anakuwa juu ya wanadamu. Parce que si tu as l'humain. Kwa kuwa kama wewe ni mwanadamu. Les hommes ont déjà l'humain. Wanadamu wana ya mais ils ont besoin de ce qui est supérieur à ce qui est humain. Quand notre papa nous enseigne que nous sommes lumière des nations et porteurs de salut, je ne sais pas si par moment nous prenons le temps de mesurer la taille de cet appel. Tant que nous ne prenons pas le temps de mesurer la taille de cet appel, la complexité de cet appel, nous allons y aller comme des humains. Salomon a pris conscience de la taille de la responsabilité, de la taille de l'appel de Dieu sur sa vie, ukubwa wa wito wa Mungu kwa maisha yake, de la taille, de la complexité de ce qui se passait, ukubwa wa yale machanganyiko mengi ya vitu ambavyo vinapitikana katika maisha yake. Et lorsqu'il s'est rendu compte de la complexité de son appel, na wakati alipogundua hiyo ukubwa wa wito wake, il a senti que je suis trop petit par rapport à l'appel. Alielewa ya kwamba mimi ni mudogo kulingana na wito huu. Il a senti qu'il avait besoin de quelque chose de divin. Alielewa ya kwamba ana haja ya kitu ya kimungu ndani yake. Et nous avons vu dans 1 Roi chapitre 10 le verset 24. Na tumeona katika kitabu kia kwanza kia Wafalme sura 12 na 4. La Bible dit. Biblia inasema. À cause de la sagesse que Dieu a placée dans le cœur de Salomon. Kwa ajili ya hekima ambayo Mungu aliweka katika moyo wa Salomon. Quand vous faites la connexion entre 1 Roi 3 et 1 Roi 10. Wakati unapogundua katika kitabu kia Wafalme wa kwanza sura 3 na vous voyez un homme qui a demandé à Dieu. Unaona mtu ambaye aliomba kwa Mungu. Et Dieu a agréé sa prière. Na Mungu akakubali maombi yake. Il a déposé quelque chose en lui. Aliweka kitu fulani ndani yake. Et qui rend cet homme utile. Na ikafanya mtu huyu awe wa maana. Qui rend cet homme un centre d'attraction. Ikafanya mtu huyu awe chemchemu ya yale ambayo anavutia. Au verset 24, il est dit et tout le monde cherchait à voir Salomon. Kwa mshairi wa 12:4 nasema ya kwamba watu wote wakatamani wamkutane Salomon. À cause de la sagesse que Dieu avait placée en lui. Que des hommes et des femmes te cherchent à cause de ce que Dieu dépose en toi. Et que tu deviennes une véritable solution aux hommes et aux femmes. Quand vous allez dans 1 Roi chapitre 4, le verset 32, est-ce qu'on peut nous balancer ce passage-là? Il y a quelque chose d'intéressant. À cause de cette sagesse, à cause de cette exhaustion, kwa ajili ya kujibiliwa kwa maombi haya. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il dit que Salomon à ce temps. Nasema Salomon kwa wakati wake. Il a rendu plusieurs jugements. Alileta sheria nyingi. Je crois que je peux le chercher. 1 Roi chapitre Wafalme wa kwanza chapitre 4, le verset 32. Sura 4 mstari 13 yake na 2. Voilà, la Bible parle de autour de 1000 jugements. Biblia inasema zaidi ya hukumu 1000. Voilà. Il a prononcé 3000 sentences et il a composé 1500 cantiques. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Je tunaweza kumshangilia Bwana kwa ajili ya hayo. Il a dit, j'ai besoin de la sagesse. Akasema, nina haja ya hekima. J'ai besoin de l'intelligence. Nina haja ya akili. Bien aimé, jusqu'à prononcer 3000 jugements. Wapendwa mpaka akatoa hukumu 1500. Chaque jugement, c'est un problème résolu. Kila hukumu moja inakuwa ni sululisho kwa hitaji fulani. Chaque cantique, c'est une consolation, un encouragement. Kila nyimbo ambayo imeimbwa na Salomono inakuwa ni kutia moyo kwa mtu fulani. Il faut qu'il y ait quelque chose de divin qui te permet de bénir les gens par 3000 jugements et par plus de combien 1500 cantiques. Inabidi uwe na kitu kia kimungu ndani yako ili uweze kuleta faraja kwa watu. Bien aimé, quand le divin arrive, mpendwa, wakati Mungu ana kitu kia umungu kinapofika, vous cessez d'être ordinaire. Hautakuwa mtu wa kawaida. Et je sens un réveil qui est en train d'arriver dans notre église. Nasikia uamsho ambao unafika, qui va nous amener à une autre dimension. Ambao tatuleta kwa lengo lingine. Où les choses que nous allons faire ambapo vitu ambavyo tutakuwa tukitenda vont être une solution pour notre génération. Katika kizazi kietu. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa visitation. Kwa ajili ya kutembelewa kwake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. 3000 jugements. Hukumu 1000. La Bible nous épargne de la complexité de chaque problème. Biblia haituoneshe ukubwa wa kila shida. Au moins l'un des problèmes, c'est le jugement qu'il a rendu entre les deux femmes qui se disputaient. Moja ya yale ambayo tunayaelewa ni hiyo hukumu ambayo alitoa ndani ya hao wanawake wawili. Je veux que nous comprenions bien-aimés dans le Seigneur. Natamani tuelewe wapendwa katika Bwana. Que la prière produit ses effets. Ya kwamba maombi yanakuwa na majibu. Dans l'histoire de la Bible. Katika historia ya Biblia. Dans l'histoire de l'église. Katika historia ya kanisa. Des hommes et des femmes qui ont invoqué le Seigneur. Wanaume na wanawake waliomuita Bwana. Oh oui, de l'impact dans leur génération. Walipata vishawishi katika kizazi kiao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne pouvons pas méditer ou démontrer les effets de la prière dans la vie des hommes et des femmes dans la Bible. Na hatuwezi kufikiria matukio ya maombi katika maisha ya wanawake na wanaume waliomtegemea. Ce ne sont pas des choses à chercher à gauche à droite. Sio vitu vya kutafuta kuume na kushoto. J'aimerais vous donner quelques exemples avant qu'on puisse entrer en prière. Nilipenda nitoe mifano mifulani fulani ili tuweze kuendelea. Un homme, il s'appelle Élie. Dans 1 Roi chapitre 18, le verset 38. Dans un contexte de contestation. Il y a d'autres personnes qui s'appellent aussi Dieu. Qui désorientent le peuple. Cet homme, il a appelé le feu par la prière. Ça veut dire que la prière faite par un homme a ouvert le ciel. Et le feu est descendu. Alléluia. Amen. Que ta prière ouvre le ciel. Et que le feu descende. Pour mettre fin à une contestation. Pour mettre fin à une dispute. Il y a des gens parfois qui nous disent, montre-nous que tu es chrétien. Prouve-nous que tu es réellement un enfant de Dieu. Pourquoi cette situation persiste? J'aimerais que tu te lèves cette semaine comme Élie pour dire Seigneur, ça doit s'arrêter et il doit être reconnu que je suis ton serviteur. Par la prière, cet homme s'est levé et ceci a été écrit pour servir de témoignage pour toi et moi. Que toi et moi nous pouvons aussi nous lever dans la prière, comptant sur Dieu, marchant correctement avec Dieu, et le feu peut descendre. Il y a un homme qui s'appelle Daniel. Dans Daniel chapitre 6, le verset 22, il est jeté dans une fosse au lion. Mais cet homme a été sauvé miraculeusement. Vous savez, vous pouvez vous retrouver dans des situations où personne ne peut aller pour vous sauver. Imaginez que vous êtes jeté dans une fournaise ardente. La fournaise ardente, tout comme la fosse au lion, elle représente autant de situations compliquées de la vie. Où toi-même tu es conscient, tu dis, si Dieu n'intervient pas, personne ne me fera sortir d'ici. Mais l'avantage de cet homme, il avait une connexion avec le ciel. Même si l'extérieur ne peut pas venir à ton secours, ton secours vient de l'intérieur. Que ton secours vienne de la part de Dieu et te raconte dans ta situation et ferme la gueule de lion au nom de Jésus Christ. La prière de cet homme Daniel a mobilisé le ciel. Je ne sais pas exactement si Dieu a parlé au lion. Je ne sais pas si Dieu a envoyé les anges pour fermer la gueule des lions. Parce que vous savez, la Bible dit qu'il y a des anges qui sont affectés à nous. Il y a même des chrétiens qui ne savent pas que bibliquement il y a le monde spirituel qui nous accompagne. Tu peux te retrouver dans une situation compliquée et tu entres dans une dimension spirituelle de communication avec Dieu. Je dis, Seigneur, mobilise le ciel pour résoudre ce problème. Alléluia. Amen. Daniel a invoqué le Seigneur dans la fosse au lion. Daniel alimuita Mungu ndani ya shimo la simba. Et Dieu l'a trouvé dans la fosse au lion. Na Mungu akamkutana huko. Le divin est venu agir dans la fosse au lion. Il y a des choses qui ne peuvent pas vous arrêter parce que vous portez encore la mission de Dieu. Parce qu'il faut que le divin vous prenne en charge. Un homme s'appelle David. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 49. Cet homme, il a mis fin à une humiliation. Par la prière, il a invité Dieu dans une situation qui était une honte pour Israël, qui était une humiliation pour le peuple d'Israël. Vous savez, dans la plupart de cas, nous avons toujours pensé tunafikiria ya kwamba que c'est la petite pierre qu'il a ramassée qui a tué Goliath. Hiyo jiwe kidogo ambayo alitupa ndio ambayo ilimua Goliath. Il ne s'agit pas de cette petite pierre là. Hiyo jiwe kidogo. La petite pierre. Hiyo jiwe kidogo. Était juste le symbole. Ilikuwa ni mfano. De montrer que Dieu veut nous faire participer à ses exploits. Ya kwamba Mungu anapenda atushirikishe kwa kazi yake. Celui qui a terrassé Goliath, c'est Dieu lui-même. Yule ambaye alimusambaza Goliath ni Mungu mwenyewe. Parce que Goliath était en train de défier Dieu. Goliath alikuwa akipingana na Mungu. Écoutez dans le verset 45. Sikia kwa mstari wa 45. Il dit tu marches contre moi avec l'épée. Anasema unakuja kwangu kwa silaha. Il dit je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Nami ninakuja kwako kwa ajili ya jina la Mungu aliye. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Mungu wa Israeli ambaye umezarau. En réalité cette déclaration de David. Kwa ukweli matamshi haya ya Daudi. C'est une prière que David est en train de faire. Ni maombi ambayo Daudi iko anatoa. Le Goliath qu'on appelle géant devant. Goliath huyo ambaye anamuita jitu. Il pense que le jeune homme est en train juste de lui prononcer des paroles. Anafikiria ya kwamba kijana huyo anamtolea maneno. Mais pour David. Lakini il était en train de dire directement à Dieu. Alikuwa akizungumza tayari na Mungu. Nous ne pouvons pas continuer à être humiliés. Hatuwezi kuendelea kusumbuliwa. Parce que si nous sommes humiliés, c'est toi le Dieu vivant qui est humilié. Kama sisi tumeaibishwa, ni wewe Mungu uliye hai ambaye umeaibishwa. David est en train de présenter à Goliath Dieu. Daudi kona mutolea Goliath mbele ya Parce que Goliath ne peut pas résister devant Dieu. Kwa kuwa Goliath hawezi kupingana na Mungu. Il n'a pas jeté la petite pierre avant de prononcer ses paroles. Hakutupa jiwe hili mbele aseme maneno haya. Bien aimé dans le Seigneur. La prière vient amplifier tes simples actes. La prière vient donner un exploit à tes simples actes. La prière crée la complicité entre l'homme et Dieu. Alléluia. Et cet homme dit, tu ne peux pas résister à mon Dieu. Et déclare ce soir que rien ne va résister devant le Dieu que nous servons. Que ce soit la maladie, que ce soit la possession, que ce soit l'oppression, que ce soit la pauvreté, nous allons le terrasser au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi qui vient terrasser nos Goliaths? Alléluia. La prière produit des effets. Et les exemples sont nombreux. Que dirais-je si je parlais, n'est-ce pas, de Esther? Cette jeune fille qui a su que la prière peut changer l'environnement, qui a su que la prière peut renverser même des lois établies, c'est elle qui disait il existe une loi selon laquelle personne ne peut se présenter devant le roi. Elle précise même que ça fait 30 jours que je n'ai même pas été appelé par le roi. Mais il dit, allez prier avec moi. Après la prière, je vais aller rencontrer cet homme. La prière peut changer le cœur d'un homme endurci. La prière peut renverser même des situations qui sont à ta défaveur. Je prie que Dieu renverse des situations à ta défaveur. Au nom de Jésus-Christ, la prière peut changer. Maombi naweza kubadilisha. Alléluia. La prière peut changer des situations. Maombi naweza kubadilisha hali fulani. Oh, il y a cet homme-là qui ne veut même pas me voir, qui ne veut pas me sentir. S'il ne veut pas te sentir, il va sentir Dieu. Kwa kweli kunasema kuna mtu yule ambaye hapendi kunisikia. Et quand lorsqu'il va sentir l'odeur de Dieu, et quand toi tu vas te présenter, ça ne sera que l'odeur de Dieu. Wakati atakaposikia harufu ya Mungu na wakati atakapofika, ataona ni Mungu na atakutumikia. Je déclare que pendant cette semaine, des cœurs se convertissent. Ninatangaza kwa wiki huu kuna mioyo ambayo zinabadilishwa kwa ajili ya nom de Jésus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Il y a un exemple, ces choses nous ne devons pas les lire comme des histoires. Kuna kwa mfano na mambo haya hatuwezi kuya soma kama vile historia. Elles ont été écrites pour nous servir de leçons. Yameandikwa ili yawe mfano kwetu. Il y a des Esther qui doivent se lever aujourd'hui. Kuna wa Esther ambao watasimama. Il y a des David qui doivent se lever aujourd'hui. Kuna wa Daudi ambao watasimama. Il y a des Eli qui doivent se lever aujourd'hui. Kuna wa Elia ambao watasimama. Il y a des personnes qui doivent écrire nouvelle histoire. Kuna watu ambao wataandika historia mpya. Alléluia. Amen. Je crois dans cette salle. Ninaamini ndani ya chumba hiki. Je crois dans cette église. Na ninaamini ndani ya kanisa hili. Il y a des hommes et des femmes. Kuna wanaume na wanawake. Qui vont écrire l'histoire de l'évangile. Et qui vont influencer notre nation. Je prie qu'on acclame le Seigneur pour ces hommes et ces femmes, pour ces géants qui sont en train de se lever. Une parole a été libérée du haut de cette chair. Que des hommes et des femmes iront dans le monde comme la lumière de Dieu et comme porteurs de salut. Cette parole, elle portera la chair. Elle trouvera son accomplissement dans la vie des hommes et des femmes qui saisissent cet appel-là. Que Dieu te trouve dans ce soir comme cet homme qui saisit la profondeur de cet appel et que tu reçoives cette portion dans le nom de Jésus. Alléluia. La prière, bien-aimée. Si tu as faibli dans ta prière, tu devrais prendre l'engagement de dire, redonne-moi encore la force. La prière, frères et sœurs. J'aime toujours dire à mon épouse, si nous ne prions pas dans cette maison, pour nous c'est un péché. D'abord parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais beaucoup plus, on est aussi serviteurs de Dieu. Comment je vais venir parler de la prière ici que moi-même je ne prie pas? C'est mentir du haut de cette chair. Et quand Dieu va s'occuper de moi à cause de mes mensonges ici, je vous ai parler des mensonges célestes qui commencent à entrer un peu dans les églises ou les mensonges stratégiques. Le mensonge reste mensonge. Et quand Dieu doit s'occuper du menteur, il s'occupe de toi très bien. Alléluia. Amen. Ne pas avoir la vie de prière, vous vous faites du mal vous-même. Kutokuwa na maisha ya maombi, unajitendea mabaya mwenyewe. Que dirais-je si je parlais de Paul? Nitasema nini nikizungumzia Paulo? Ce géant de l'évangile. Huyo jito wa injili. Celui que j'appelle affectueusement l'apôtre Paul. Huyo ambaye ninamuita mtume Paulo. Cet homme qui me séduit par son ministère. Mtu huyo ambaye ananivutia kwa huduma yake. Depuis un temps, je ne fais que relire les épîtres de Paul. Wakati fulani ninaendelea kusoma maandishi ya mtume. Surtout la partie où je vois comment les dons spirituels fleurissaient, coulaient à flot dans sa vie. Je dis, Seigneur, nous, où sommes-nous, Seigneur? Où sommes-nous, Seigneur? Seigneur, où sommes-nous? Pourtant, Paul était un homme comme nous. Il pouvait passer son ombre influencée de vie. Jusqu'à des années plus tard, les épîtres de Paul changent de vie dans les églises. Bien aimé, il ne s'agissait pas de simples lettres qu'un homme écrivait. C'était des paroles bénies de la part de Dieu. Que Dieu te donne des paroles bénies ce soir. Lorsque tu vas écrire que des vies soient changées. Lorsque tu vas parler que des vies soient changées. Lorsque tu vas chanter que des vies soient changées. Alléluia. Amen. Combien il y a des moments où tu écoutes un cantique. Marangapi wakati unaposikiliza wimbo. Tu sens que tu es béni. Unasikia wewe umebarikiwa. Il y a des moments où tu quittes un culte. Kuna kwa wakati ambapo unatoka katika ibada. Il y a un cantique qui était comme imprimé, comme caché sur ton cœur. Kuna kama vile nyimbo ambayo imechapwa kwenye moyo wako. Tu sens que c'est comme un cantique qui était inspiré de la part de Dieu. Unasikia kama ni wimbo ambayo umevuviwa na Mungu. Frères et sœurs. Mpendwa ndugu na dada. Le monde nous attend. Ulimwengu unatungojelea. Le monde nous attend. Ulimwengu unatungojelea. L'apôtre Paul, Mtume Paulo, comme aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes et de femmes kama vile leo kuna wanawake na wanaume qui sont appelés au ministère, ambao wameitwa kwenye huduma. Et je l'ai dit hier que partout où Dieu nous a établis, nous sommes en mission pour Dieu. Na nimesema jana mahali popote ambapo Bwana ametuweka tunakuwa kwa kazi ya Mungu. Quelqu'un peut-il te trouver dans ton cabinet médical? Mtu anaweza kukutana kwenye chumba chako cha waganga. Et il rencontre Dieu dans ton cabinet? Na anakutana Mungu ndani ya chumba hicho. Quelqu'un peut-il te trouver dans ton cabinet d'avocat ou de magistrat? Mtu anaweza kukutana katika chumba chako cha sheria. Il sent qu'il a rencontré un homme, une femme intègre. Anaelewa ya kwamba amekutana mtu ambaye anakuwa na haki. Et il dit qu'aujourd'hui je rencontrais un avocat chrétien. Na nasema leo nimekutana muamuzi ambaye anakuwa mkristo. Je rencontrais un homme d'affaires chrétien. Nimekutana mfanyabiashara ambaye ni mkristo. Ou quelqu'un dira, mais où sont ces chrétiens qui peuvent nous donner des prix corrects? Je watu wanaweza kujiswali tutawapata wapi watu ambao wanaweza kutupatia bei ambayo inakuwa ya kweli. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, le monde nous attend. Ulimwengu unatungojelea. L'apôtre Paul, Mtume Paulo, c'est aussi un autre exemple par excellence. Ni vile mfano mwingine kwetu. D'un vase. Hiyo chombo. Qui a reçu un contenu divin. Ambayo imepokea kitu kia umungu. Et ce contenu divin. Na kitu hiyo ya Mungu. Était comme une nourriture pour la santé spirituelle. Ilikuwa kama vile chakula kwa afya yake ya kiroho. Il arrive des moments où tu lis les épîtres de Paul. Kunakuwa wakati unaposoma kitabu hicho. Tu te dis, mais lui, il avait quel type de compréhension de Christ? Unajiuliza yeye alielewa namna gani Yesu Kristo? Il n'avait autre chose que le divin en lui. Hakukuwa na kitu kingine isipokuwa Mungu ndani yake. Seigneur, donne-nous des prédicateurs qui ont le divin en eux. Mungu tupatie wa mwalimu wa hubiri ambao wanakuwa na kitu yako ndani yao. Des gens qui viennent nous raconter des histoires. Isikuwa watu ambao wanakuja kutuzungumzia historia. Des gens qui viennent nous raconter leur propre vie. Watu ambao wanakuja kutuelezea maisha yao. Mais des gens qui nous connectent à la divinité. Lakini watu ambao wanatupatanisha na Mungu. Parce qu'ils ont le divin en eux. Kwa kuwa wana Mungu ndani yao. Avant de prier, allons dans Luc chapitre 4. Mbele ya kuomba tusome katika kitabu cha Luka sura 4. Parce que nous avons parlé des hommes et des femmes qui ont eu le divin en eux. Kwa kuwa tumewazungumzia wanaume na wanawake ambao walikuwa na kitu kia Mungu ndani yao. J'aimerais qu'on jette un regard sur Jésus lui-même. Natamani tutazamie Yesu mwenyewe. J'aime Jésus. Nampenda Yesu. Il a pris comment le manteau de la chair. Alivikwa mwili. Il a pris cette humilité qu'il est venu. Ni katika unyenyekevu huu ndio alikuja. Pour nous enseigner comment nous devons vivre notre vie chrétienne. Ili atufundishe namna gani tunaweza kuishi maisha yetu. Au chapitre 14. Kwa mstari wake wa 14. Voici ce que la Bible déclare. Il dit, l'Esprit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui, comme on dirait un étonnement. Qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Au verset 21, alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'attendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Jésus, notre modèle. Yesu Christo mfano wetu. Nous parlons de la prière comme clé de jaillissement divin. Tunazungumzia maombi kama vile funguo wa kutiririka ya kimungu. Je ne vais pas trop parler du contexte de ce texte. Sitazungumzia yale ambayo yanakuwa wingi kwa ajili ya neno. Mais de manière simple. Lakini kwa kiufupi. Ce texte est en train de parler du début du ministère de Jésus. Neno hili liko linazungumzia mwanzo wa kazi ya Yesu Kristo. Jésus a vécu sa vie comme un modèle, comme un enseignement pour nous. Yesu Kristo aliishi maisha yake kama vile mfano kwa ajili yetu. Parce qu'en tant que Dieu, il est venu dans la chair. Yeye kama vile Mungu alikuja ndani ya mwili. Tout acte posé par Jésus. Kila jambo ambalo Yesu alikuwa akitenda. C'était un enseignement. Ilikuwa ni mafundisho. C'était une leçon. Ilikuwa ni mafundisho. Pour nous montrer comment en tant que homme. Ili kutuonesha kama vile wanadamu. Nous pouvons vivre notre marche chrétienne. Tunaweza kuishi maisha yetu notre marche d'enfant de Dieu maisha yetu ya kikristo pendant que nous sommes encore sur la terre dans la chair. Wakati tunapokuwa katika ulimwengu na ndani ya mwili. Et il y a beaucoup d'actes que Jésus a posé. Kuna matendo mengi ambayo Yesu aliyoyatenda. C'était un enseignement pour nous. Ilikuwa ni mafundisho kwa ajili yetu. Et Jésus venait d'être baptisé par Jean. Na Yesu alikuwa tayari amebatizwa na Yohane. Au premier verset de ce chapitre 4. Kwa sura ya kwanza, kwa mstari wa kwanza kwa sura hiyo ya 4. La Bible déclare qu'il a été conduit par l'Esprit. Biblia inasema akaongozwa na roho dans le désert ndani ya jangwa et où il a obtenu autant de tentations bien na sûr na huko ambapo alijaribiwa mara nyingi. Mais la force, le point que je voudrais mentionner ici, neno ambalo napenda nisisitize mahali hapa, c'est le lien entre aller dans le désert ni hiyo hali ya kwenda katika jangwa et le début de son ministère na mwanzo wa kazi ya Yesu. En fait, il a pris le temps de prier dans le désert. Kwa kweli alikuwa na muda ambapo aliomba huko kwenye jangwa. Il a pris le temps de s'isoler. Alichukua muda wa kujitenga. Pour se connecter à la divinité. Ili apate kujiambatanisha na Mungu. Et le verset 14 dit. Na mstari wa 14 unasema. Jésus. Yesu. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Akivikwa Roho Mtakatifu. Dans d'autres versets, il est dit rempli de la puissance de l'Esprit. Kwa maandishi mengine anasema akijazwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Il est allé chercher un contenu. Alienda kutafuta kitu. Qui devrait lui permettre. Ambacho kingeliweza kumsaidia. D'accomplir la mission pour laquelle il était venu. Ili aweze kutimiza kazi ambayo alikujia. Alléluia. Amen. Sans Dieu, bila Mungu, sans le contenu divin, bila kuwa na kitu kia Mungu, nous sommes Yesu, vides. Sisi tunakuwa bure. Je dois avouer avec vous. Ninapasha niseme ukweli pamoja nanyi. Il y a des moments. Kuna nyakati. Où on peut me dire. Ambapo wanaweza wakaniambia. Est-ce que tu peux enseigner la parole de Dieu? Je unaweza kufundisha neno la Bwana. Je sens qu'il n'y a rien à moi pour communiquer. Nasikia ndani yangu hakuna kitu ambacho ninaweza nikatangaza. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prendre un verset puis de balancer tout verset moi. Haiko tu kuleta kusoma Biblia na kuja kuitoa. Je dis Seigneur, on me dit que je vais enseigner. Ninasema Bwana wanasema mimi nitafundisha. Mais je ne sens pas encore ce contenu à moi. Lakini sisikie kitu hiki ndani yangu. Et je suis honnête avec vous. Na ninasema kweli kwenu. Je sens que je suis vide en ce moment-là. Et heureusement, parfois on peut vous annoncer il y a deux semaines. Et pendant toutes ces deux semaines, tu luttes pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il ne s'agit pas des discours qu'il faut vous apporter. Paul dit, je ne suis pas venu chez vous avec l'excellence de la langue. Je ne suis pas venu vous apporter la grammaire. Je ne suis pas venu vous apporter le français de France. Il dit, je vous ai amené la puissance de Dieu. C'est-à-dire, les mots que je vous communique sont une puissance qui est en contact avec votre vie. Et Jésus, la Bible déclare, rempli de l'Esprit. Rempli de la puissance de l'Esprit. Quelque chose de divin est venu. Remarquez bien encore dans ce contexte. Tazama mzuri ndani ya jambo hili. Il est allé prier. Alienda kuomba. C'est encore aussi une autre preuve. Hiyo ndio inakuwa nayo alama. Que la prière. Ya kwamba maombi. Nous connecte à la divinité. Inatuambatanisha na Mungu. À un moment donné. Kwa muda fulani. Dans ma marche avec le Seigneur. Ndani ya safari yangu pamoja na Yesu. À un moment j'examinais mon ministère. Ninapotazama kazi huduma yangu. Je dis Seigneur. Ninasema Bwana. Les choses, les miracles, les signes que nous attendons à gauche à droite. Miujiza na alama ambayo tunangojelea kutoka huko na kule. Les choses que nous avons vues dans les actes des apôtres. Mambo ambayo tumeona katika matendo ya mitume. Je ne veux pas terminer mon parcours ministériel. Sitamani kumaliza safari yangu ya huduma. À les saluant de loin. Nikiaonea kwa mbali. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la simple réponse que Dieu m'a donnée. Hawezi kufikiria jibu ambayo Mungu alinipatia. Il a dit, j'ai besoin de toi encore davantage plus près de moi. Alisema nina haja yako siku zote karibu nami. J'ai besoin que tu me cherches encore davantage. Nina haja unitafute tena sana. Et ça c'est ma situation avec Dieu que je suis en train de gérer. Et quand nous voyons l'expérience de Jésus, il est allé dans le désert. Il est allé prier. La Bible déclare 40 jours de jeûne. Et lorsque les jours se sont accomplis, il a reçu un contenu. Je prie que Dieu nous donne un contenu pendant cette semaine. Que après cette semaine, soit différent d'après cette semaine. Que des prédicateurs prêchent avec la grâce de Dieu. Que ceux qui conduisent les cultes conduisent avec l'onction de Dieu. Que l'union musicale nous amène dans une autre dimension de l'adoration. Que les évangélistes puissent aller moissonner pour Dieu. Parce que nous sommes remplis de quelque chose de divin. Alors écoutez ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce contenu est en moi. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La pauvreté est une situation de limitation. La pauvreté est une situation qui fait manquer la dignité à quelqu'un. Umaskini ni kitu ambacho kina inakosesha heshima la kwa pauvreté mungu. Rend les gens esclaves. Umaskini naacha mtu anakuwa wa kuomba omba. La pauvreté rend même des gens gentils pour rien, juste pour avoir quelque chose. Umaskini unaacha mtu anajikaza awe mkamilifu juu apate kitu fulani. Ça vous fait perdre votre dignité d'enfant de Dieu. Inaacha unapoteza nafasi yako ya kuwa mtoto wa Mungu. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'une bonne nouvelle qui change leur vie. Na kuna watu ambao wana haja ya habari njema ambayo itabadilisha maisha yao. La pauvreté matérielle. Umaskini wa vitu. La pauvreté spirituelle. Umaskini wa kiroho. La pauvreté intellectuelle. Umaskini wa akili. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent se lever? Je, kuna wanawake na wanaume ambao wanaweza kusimama. Avec une bonne nouvelle. Pamoja wakiwa na habari njema. Qui tire les gens de leur pauvreté. Ambao itawatosha watu ndani ya umaskini. Qui montre le chemin à suivre. Ambao inaonesha njia ya kufuatilia. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Anasema imenituma ili nilete uponyaji kwa ambao wanakuwa na moyo umevunjika. Ndugu na dada. Vous n'avez pas vraiment idée. Hawezi kufikiria. Dans le monde ici que nous vivons. Ndani ya ulimwengu huu tunapoishi. Beaucoup de cœurs brisés. Kuna mioyo mingi ambayo imevunjika. Il y a beaucoup de cœurs brisés. Kuna mioyo mingi ambayo imevunjika. Les quelques années que je passais dans mon travail de pasteur. Siku kidogo ambazo nimepitia katika huduma yangu kama vile mchungaji. Il y a des choses que vous écoutez. Kuna vitu ambavyo unasikiliza. Il y a des choses que vous voyez. Kuna vitu ambavyo unaviona. Des jeunes filles, des jeunes garçons. Vijana na wasichana. Des papas, des mamans. Wa baba na wa mama. Tu sens que quelqu'un est brisé dans son cœur. Nakutana ndani ya moyo wake amevunjika. Il a besoin de quelqu'un. Ana haja ya mtu. Qui peut porter une guérison. Ambaye anaweza kumletea uponyaji. Ce n'est pas toute parole qui guérit un cœur bien-aimé. Sio neno ambalo linaponyesha roho. Tu peux penser en train de consoler quelqu'un. Unaweza fikiria uko na mfariji mtu. Mais tu es en train d'amplifier sa situation. Lakini uko naleta tena shida kwa mtu. Que Dieu nous donne la guérison que nous pouvons apporter. Lakini mtu naomba ya kwamba Mungu atupatie uponyaji ambao tunaweza kuleta. Le cœur brisé. Kwa mioyo hii. Il y a des parents qui ont jeté leurs enfants. Il y a des enfants qui sont abandonnés. Bref, il y a beaucoup de situations qui demandent qu'il y ait des hommes et des femmes qui apportent la guérison. Et il parle des captifs. Il parle des aveugles. Il parle des opprimés. Le temps ne nous permet pas d'aller dans le détail pour parler de chaque catégorie. Mais si Dieu peut nous éclairer les yeux de l'esprit, chaque phrase ici est une caractéristique de la société dans laquelle nous vivons. Et il y a besoin qu'il y ait des hommes et des femmes qui ont un contenu de Dieu pour apporter la consolation, pour apporter la solution. J'étais heureux de rencontrer un couple qui, lorsqu'ils donnaient leur témoignage, ils dit que n'eût été le pasteur de notre église, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Grâce à ses conseils, grâce à ses prières, voilà que nous sommes encore mari et femme, voilà que nos enfants sont encore là, et l'économie qui était en train de partir, Dieu a stabilisé notre économie. Ton ministère yako peut restaurer une famille. Inaweza kusimamisha tena jamaa. Ton ministère yako peut sauver un enfant qui est dans la rue. Inaweza kuokoa mtoto ambaye anakuwa barabarani. Ton ministère yako peut aller redonner la confiance à un orphelin qui pensait inaweza qu'il n'a plus d'espoir. Kuleta tumaini kwa yatima ambaye amefikiria yake yamekwisha. Ton ministère. Mais Jésus dit, lakini Yesu anasema, j'ai reçu quelque chose. Nimepokea kitu. Nous avons montré que le jaillissement divin, tumeonesha ya kwamba kutiriri, c'est un équipement de la part de Dieu. Ni nguvu ambayo tunapewa kutoka Mungu. Pour la mission. Ili tuweze kufanya huduma. Alors pour terminer. Kwa kumaliza. Et nous aider un peu à comprendre comment les jaillissements peuvent arriver. Na kutusaidia namna gani kutiririka naweza kufika maishani mwetu. Les jaillissements divins peuvent arriver de différentes façons. Kutiririka ya kimungu naweza kufika maishani mwetu kwa namna nyingi. Pour Salomon, c'était la sagesse et l'intelligence divine. Kwa Salomon ilikuwa ni hekima na akili ya Mungu. Nous n'allons pas tous demander à Dieu le jaillissement pour bien prêcher l'évangile. Sisi wote hatutaomba kutiririka ya kimungu ndani yetu ili tutangaze injili. Il est possible que tu aies besoin des jaillissements d'une intégrité divine. Inawezekana una haja ya utiririko ndani mwako ili uwe na hekima ya Mungu. Et cette intégrité divine, elle change l'environnement tout autour de toi. Pour Daniel, c'était une protection surnaturelle. Avec Élie, c'était une puissance qui est descendue pour confondre les méchants. Avec Esther, Dieu est venu s'imposer dans le cœur d'un roi. Avec Paul, ce sont les dotations divines dans son cœur. Les dons spirituels. Matunda la roho. Amen. Alléluia. Donc pour autant, nous avons besoin ce soir. La prière que j'aimerais que nous fassions ce soir. J'aimerais que si vous êtes dans la salle. Et que vous êtes conscient. Que votre vie chrétienne n'est pas correcte avec Dieu. Ça ne sert à rien de prier, vous perdez du temps. La première étape. Jambo la kwanza, vous devez arranger avec Dieu. Tengeneza kwanza na Mungu. Parce que c'est un mensonge si on vous dit que Dieu exauce toutes les prières. Ni uongo wakati tutakaposema ya kwamba Mungu anajibia maombi yote. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Mungu hajibu maombi yote. Et du reste, dans la Bible, quelque part, il est dit. Na katika Biblia wanasema hivi. Éloignez de moi vos bruits. Parce que c'est une abomination à mes oreilles. Il est donc important, parce que nous sommes en face de celui qui exauce la prière, que je m'assure que je suis correct avec Dieu. La deuxième chose que j'aimerais qu'on fasse, que chacun soit capable d'identifier ou localiser le couloir de ton appel. Quel est le boulevard sur lequel Dieu m'attend? En tout cas, si vous comparez toutes ces prières, Élie, David, Samuel, chacun y faisait une demande par rapport à la circonstance et à son appel. Le jaillissement divin, c'est un paquet. Le jaillissement divin, c'est comme un dépôt. Inakuwa kama vile gala. Et nous y entrons chacun. Tunaingia kila mmoja. Nous prenons en fonction de ce qui est utile pour nous. Tunachukua kulingana na yale ambayo yanakuwa ya muhimu kwetu. Mais la bonne chose, lakini kitu kizuri, c'est que comme le cas de Salomon, ni kwamba kama vile mfano wa Salomon, parce que tu as fait une prière qui était agréable à moi, kwa kuwa ulifanya maombi ambayo ilikuwa muhimu kwangu, il a dit, je te donne ce que tu as demandé, alisema ninakupatia yale ambayo umeyaomba, mais je te donne aussi en plus de ce que tu n'as pas lakini demandé, lakini nakuongezea zaidi ya yale ambayo hakuomba, que Dieu nous donne en plus de ce que nous avons Mungu demandé, Mungu atupatie zaidi ya yale ambayo tuliomba. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent sans localiser ce à quoi Dieu les appelle. Watoto wa Mungu wa mingi wanaishi bila kutazamia yale ambayo Mungu amewaitia. Il arrive des fois que je m'assois. Inafika mara nyingi ninapoketi. Je dis, dans 5 ans, qu'est-ce que Dieu tu veux que je sois? Ninajiuliza kwa miaka 5 Mungu unatamani nikuwe namna gani? Je peux avoir mon profil que je veux avoir. Ninakuwa na haja ambayo ninakuwa nayo. J'ai une idée de ce que je voudrais être. Ninafikiria yale ambayo ninatamani nikuwe. Dans 5 ans, dans 10 ans. Kwa miaka 5, miaka 10. Mais j'ai appris aussi à reconnaître que lakini nina haja nielewe ya kwamba ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Ni mipango ya Mungu ndio ambayo inatimilika. Si je n'arrive pas à localiser ce que Dieu veut pour kama moi, sifikie kujua yale ambayo Mungu anatamani kwa ajili yangu, je peux lutter toute la vie. Ninaweza kupiganisha maisha yote. Mais quand tu es sur le boulevard où Dieu te veut, lakini wakati ninapokuwa kwenye njia ambapo Mungu ananingojelea, lui-même il facilite le chemin. Yeye mwenyewe anarahisisha mambo. Laisse que Dieu aplanisse le chemin devant toi. Acha Bwana arahisishe mambo. Et que tu marches avec assurance. Na upate kutembea katika uhakika. Et après, si tu parviens à localiser ton boulevard avec Dieu, tu vas dire à Dieu, équipe-moi selon l'appel sur ma vie. Utamwambia Bwana unijaze kulingana na wito wako katika maisha yangu. Alléluia. Amen. Si je peux résumer mon exhortation ce soir, kama ninaweza kusema kwa ufupi yale ambayo nimefundisha jioni ya leo, la prière maombi est une clé inakuwa ni funguo pour accéder au jaillissement divin. Ili tuweze kufikia kutiririka wa kimungu ndani yetu. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout avec l'union musicale. Tutaweza kusimama na waimbaji. Et nous allons entrer dans un moment de prière. Na tutaingia katika muda wa maombi. En tout cas, je pense que je ne conduirai pas la prière. Ninafikiria ya kwamba sitaongoza maombi. J'aimerais nous donner même 15 minutes. Ninaleta muda wa dakika 15. 15 minutes où chacun va parler à Dieu. Dakika 15 kila mmoja azungumuze na Mungu. Parfois ces choses où on donne des requêtes ne sont pas assez intéressantes. Mara nyingi mambo haya yatupatie mahitaji ambayo yanakuwa yakivutia. Après toute cette courte exhortation. Baada ya mafundisho haya mafupi. J'aimerais que chacun entre dans une intimité avec le Seigneur. Natamani kila mmoja aingie katika mawasiliano yake na Mungu. J'aimerais qu'on chante ce morceau que tes courants de vie coule dans mon cœur. Donnez-nous la note. Nous chantons ce cœur pour dire j'ai besoin que quelque chose coule de toi. Tunaimba nyimbo hii tukisema Bwana nina haja kitu kutoka kwako. Est-ce qu'on peut chanter encore, crier à Jésus? Chantons. On peut crier le Père. Est-ce qu'on peut commencer à parler à Jésus ce soir? Ikoraba sandarabosa. Est-ce qu'on peut parler en langue ce soir, bien-aimé? Entrons dans une autre.